dans l'eau et nous dans l'ombre. De longtemps large et de fond en comble. Ce mauvais fond m'encombre. Dans l'ombre, ta pute au soleil. En string dans l'eau et nous dans l'ombre. De longtemps large et de fond en comble. Ce mauvais fond m'encombre. Ça devient grave, crate, via crête, via grappe. Putain grave, mes mots c'est rien qu'un grave. Naz, un flop dans l'hip hop. J'suis rien qu'un grave, qu'une voix, ma tête qu'un crâne. Qu'un cramé, camé, un grave quand j'dis qu'un crâne. On dit que j'suis un rat, et ne que c'est un drame. Corta ta pouce, dans un drame. Eux ils savent être trop, un trave. Et nous c'est naz, ma ville un trave. Et une grandissante pour dissap. Grand j'dis que ça, nique ça comme un sadique. Hâtif, rime, versatile. Dans le champ, pas de cigale d'ailleurs. Pas de champ de chance, flic j'suis dans le champ. Avance t'es pas de cigale, nique cigale. 10, vert. Ça change rien, les amis 6 flingue. Au jour le jour comme rail sur rail, mam. C'est pas ce refrain qui te rassurera. À l'ombre, rassurera. Refrain, c'est pas ton refrain qui assurera. Au jour le jour comme rail sur rail, mam. C'est pas ce refrain qui te rassurera. À l'ombre, rassurera, refrain, c'est pas ton rêve qui assurera. Franc et simple, comme un coup à la rate. Du cran, c'est simple, cousse, c'est rien qu'un coup à l'arrache. Franc et simple, comme un coup à la rate. Du cran, c'est simple, cousse, c'est rien qu'un coup à l'arrache. Dans l'ombre, ta pute au soleil, en string. Dans l'eau et nous dans l'ombre. De longtemps large et de fond en comble. Ce mauvais fond m'encombre. Dans l'ombre, de longtemps large et de fond en comble. Ta pute au soleil en string. Dans l'eau et nous dans l'ombre. Ce mauvais fond m'encombre. Dans l'ombre, pas dans la merde. La pénombre, c'est un soleil. La mort, lointain sommeil. Mon âme dans le rap, pourquoi pas un sommeil. Dans l'ombre, pas dans la mer. La pénombre, c'est un soleil. La mort, lointain sommeil. Mon âme dans le rap, pourquoi pas un sommeil. Son à tout, j'casse tout, même assommé. L'ombre, c'est ma soumise, né en prod. Ici, rien pas sous mix. MC, j'suis que le néant, une fourmi. J'fournis, aujourd'hui, tout est remis en cause. Sale pute, sort de l'ombre. Avec un sale but et une sorte de longue lame. C'est comme un film, même si ta chance infile. Donc un film, écoute l'illégal. J'inflige plus un filtre, même pas un flic. C'est inégal, mon vocal inné. Ton lot guy calciné comme ton local. Mais je me fais pas de ciné. De la rage, pas vacciné. Au jour le jour comme rail sur rail, man. C'est pas ce refrain qui te rassurera. L'ombre rassurera. Refrain, c'est pas ton ref qui assurera. Au jour le jour, comme rail sur rail, man. C'est pas ce refrain qui te rassurera. À l'ombre rassurera. Refrain, c'est pas ton ref qui assurera. Non, non. Écoute les gars, néo-pro, néo-pro.